بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس 40 في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام Nous sommes donc au 40e cours dans l'explication du chapitre de la prière tiré du livre عمدة الأحكام وقلنا بالأمس إننا سنرى اليوم الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بقراءة الفاتحة في الجهرية والسرية. On a dit hier qu'on allait aborder aujourd'hui la divergence qu'il y a entre les savants concernant la récitation de la Fatiha, concernant la récitation de la Fatiha durant les prières qui se font à voix haute et les prières qui se font à voix basse. فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَ فِي السِّرِّيَّةِ دُونَ الْجَهْرِيَّةِ. Il y a certains savants qui voient qu'il est obligatoire de réciter la Fatiha durant les prières qui se font à voix basse, mais pas les prières qui se font à voix haute. وَاسْتَدَلُّ بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَا بِالْأَمْسِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْنَافِ وَمِنْهَا الْحَدِيثِ مَنْ صَلَّ خَلْفَ إِمَامٍ فَكِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ كِرَاءَةٌ. Et donc, comme j'ai dit, il y a certains savants qui voient qu'il n'est pas obligatoire de réciter le Fatiha durant les prières qui se font en voix haute, comme le Maghreb, l'Isha, le Fajr. Il n'est pas obligatoire de le faire pour celui qui prie derrière l'imam. Ils se sont appuyés sur les hadiths qu'on a cités hier, parmi les preuves de l'Ahnaf. Les Ahnaf qui voient qu'à la base, il n'est pas obligatoire du tout de réciter le Fatiha. Et donc, ils se sont appuyés sur ces hadiths-là. Et parmi les hadiths qu'ils ont utilisés, la parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie derrière un imam, alors la récitation de l'imam est pour lui une récitation. وَقَدْ بَيَّنَّا أَمْسِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَصِحْ لَا يَصِحْ فِي إِسْنَادِهِ جَابِرْ الْجُعْفِي. Et on a dit que, justement, ce hadith n'est pas authentique. Il y a dans la chaîne de transmission Jabir al-Ju'fi, barakallahu fik jamel. Et Jabir al-Ju'fi, on a dit qu'il est muttaham. Wa min adillatihim aydan ma akhrajahu muslimun fi sahihihi. An Abi Hurairata radiyallahu anhu wa fihi wa idha qara'a fa ansitu. Et parmi leurs preuves, les preuves de ceux qui voient qu'il n'est pas obligatoire de réciter la Fatiha, il y a aussi le hadith qui est cité dans Sahih Muslim, le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu. Dans ce hadith, il y a un rajout. Dans la narration de Muslim, il est stipulé wa idha qara'a fa ansitu. Alors lorsqu'il récite, c'est-à-dire l'imam, alors taisez-vous. وهذه الرواية في صحيح مسلم. Cette narration elle est dans صحيح مسلم. لكنها زيادة ضعيفة. Cependant cette ziyada, ce rajout dans ce hadith, c'est un rajout qui est faible, qui n'est pas présent dans les autres narrations. Pourquoi? حكم الحفاظ على هذه الزيادة بالضعف ومنهم ابن معين والبخاري والدارقطني. Et donc les savants du hadith, ils ont cité que cette narration, ce rajout, il est faible. Parmi les savants du hadith, il y a Ibn Ma'in, il y a l'imam al-Bukhari, il y a aussi al-Darqutni. Ils ont cité que cette narration, elle est faible. Pourquoi ? لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ مِنْ إِبْنِ عِجْلَانِ. Ou Ibn Ajlan, excusez-moi. Et Ibn Ajlan, اِخْتَلَطَ فِي أَحَدِثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. Car cette narration, qui est présente dans le recueil de Muslim, c'est une narration qui a été rapportée par Ibn Ajlan. Ibn Ajlan, c'est un rapporteur qui s'est mélangé dans les hadiths de Abi Huraira. Il s'est mélangé dans les hadiths de Abi Huraira. Et ici, donc, cela montre clairement aussi qu'il s'est trompé. Parce qu'il est le seul à avoir rapporté ce rajout dans ce hadith-là. Amma adillatul qailin bi wujubi qira'ati al-Fatiha fi sirriyati wal jahriya فمنها ما أخرجه أبو داود عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قلنا يا رسول الله إي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. Et parmi les preuves de ceux qui voient qu'il est obligatoire de réciter le Fatiha durant la prière qui se fait à voix haute et la prière qui se fait à voix basse, il y a donc le hadith qui a été cité par Abu Daoud dans son recueil selon Ubadata ibn Samit, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière du Subh et qu'il avait donc, il éprouvait une difficulté lors de la récitation. Lorsqu'il a fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, je pense que certains d'entre vous récitent derrière l'imam, derrière votre imam. » Alors ils ont dit « Ô messager d'Allah, oui par Allah oui, on récite. » Et dans certaines narrations, il disait « On récite vite, on récite rapidement. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « La taf'alou, ne faites pas, ne récitez pas derrière l'imam. » Sauf Ummul Qur'an. Ummul Qur'an al-Fatiha. فَإِنَّهُ لَا صَلَاتَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. Car il n'y a pas de prière pour celui qui ne la récite pas. Il y a aussi été rapporté de Abu Hurairah radiallahu anhu. أنه سئل عن القراءة خلف الإمام يا أبا هريرة والإمام يقرأ. Abu Huraira fut interrogé concernant le fait de réciter derrière l'imam. Il lui fut dit « Oh Abu Huraira, mais l'imam il récite. » Abu Huraira il a répondu en disant « Iqra biha fi nafsik. » Tu récites par celle-ci, donc Al-Fatiha, en toi-même. En toi-même. فَالرَّاجِحُ في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم هو وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الركعات. Et donc l'avis le plus juste, والله أعلم, c'est qu'il est obligatoire de réciter le Fatiha dans chacune des unités de prière, dans chacune des unités de prière. والله أعلم. أما المسبوق أي الذي دخل في المسجد والإمام راكع. En ce qui concerne celui qui est qu'on appelle en arabe mazbouk, celui qui est précédé, c'est-à-dire celui qui va rentrer dans la mosquée alors que l'imam il est en état d'inclinaison. فإن أدرك الركوع فصلاته صحيحة وإن لم يقرأ بالفاتحة. Si celui-ci il réussit à rentrer dans la prière alors que l'imam est en ruku', il arrive à faire le ruku', alors sa prière elle est valable même s'il n'a pas récité le Fatiha. Et ça c'est une exception faite. Pourquoi? لأنه جاء في صحيح البخاري النص الذي يدل على صحة صلاة هذا الرجل. Pourquoi? Car il a été rapporté dans صحيح البخاري le texte qui montre le caractère correct de la prière de cet homme. جاء عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ثم مشى قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم مشى قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. Il a donc été rapporté dans Sahih al-Bukhari selon Abi Bakra qu'il est arrivé à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était donc en état d'inclinaison, il faisait le ruku'. Alors Abi Bakra, il a commencé la prière alors qu'il n'était pas dans le rang. Il s'est incliné et il a avancé tout en étant incliné jusqu'à ce qu'il rattrape le rang. Et à la fin de la prière, il a expliqué cela, il a rapporté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit زادك الله حرصا ولا تعود. Qu'Allah augmente tes efforts, mais ne recommence pas. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas ordonné de recommencer la prière. Amma qawluhu fala ta'ud falianna Aba Bakr dakhala fi as-salati dun as-saff wa taharraka wa masha wa huwa raki'. En ce qui concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne recommence pas. Ça c'est parce que Abu Bakr, il a commencé sa prière sans qu'il soit dans le rang. Et ensuite, il a avancé en étant raki', en étant donc en état d'inclinaison. Et il y a une divergence entre les ulama concernant le fait de faire ça. Est-ce que c'est détestable? Est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'on peut le faire? Et donc, beaucoup de ulama, ils voient donc qu'il est permis de le faire. Abu Bakr, il l'a refait encore. Donc, et cela a été rapporté de plusieurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que lorsqu'il arrive en retard et que l'imam est en état d'inclinaison, qu'il s'incline et qu'il continue à avancer. Et la'alla al-mar in intaha ila qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa la ta'ud la'alla hadha khayran lahu. Et si l'individu donc se suffit de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa la ta'ud, ne recommence pas, alors cela est peut-être mieux pour lui, donc le fait de respecter cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré le fait que c'est quand même une grosse divergence entre les ulama. Thumma qala al-mu'allif, ensuite l'auteur il nous dit: عن أبي قتادة الأنصاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي ركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في ركعة الأولى من صلاة الصبح. Ensuite l'auteur il nous dit donc selon Abi Qatada al-Ansari, qui dit que le messager, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait durant les deux premières unités de la prière du dhuhr avec Fatihatul Kitab et deux autres sourates. Il faisait long durant la première unité et diminuait la deuxième unité de prière. Il nous laissait entendre les versets de temps en temps. Donc la prière de Dhuhr, le prophète qui laisse entendre les versets qu'il récite de temps en temps. Et il récitait durant la prière du Asr, Fatihatul Kitab, ainsi que deux autres sourates. Il faisait long durant la première unité et court durant la deuxième unité. Et durant les deux dernières unités, il récitait que Umul Kitab. Et il faisait long durant la première unité de la prière du Subh et court durant la deuxième unité de celle-ci. Fihi wujub qira'at al-Fatiha fi kulli rak'at. Il y a dans ce hadith le caractère obligatoire de réciter le Fatiha durant chaque unité, durant chaque unité de prière. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. Pourquoi? Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il le faisait, il récitait le Fatiha à chaque unité, et c'est lui qui a dit priez comme vous m'avez vu prier. أما التطويل في الركعة الأولى فجاء ما يبين أن المراد أن يلتحق المتأخر بالركعة الأولى. En ce qui concerne le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait plus long durant la première unité, il a certes été rapporté à des textes qui montrent que ce qui est voulu par là, c'est que ceux qui sont en retard arrivent à rattraper la première unité de prière. La première unité de prière. Faja'a fi sahih Muslim min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala laqad kanat salatu adh-dhuhri tuqam فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. Et donc il a été rapporté dans Sahih Muslim selon Abi Sa'id al-Khudri qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il commençait la prière du dhuhr. C'est alors donc un homme, il avait le temps de partir, d'aller jusqu'au Baqi'a. Donc le cimetière Al-Baqi'a, vous l'avez, pour ceux qui sont déjà allés à Médine, c'est pas bien loin, mais il y a quand même quelques minutes à faire pour y arriver lorsque tu es à pied. Et donc, la personne avait le temps de partir, d'aller jusqu'au Baqi'a, faire ses besoins, faire ce qu'il avait à faire, puis retourner chez sa famille, faire ses ablutions. Et ensuite retourner à la mosquée, et lorsqu'il arrivait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours dans la première unité de prière. Et donc le prophète, il était toujours dans la première unité de prière. Et donc les savants, ils ont tiré de cela le fait que c'est pour que le prophète, il faisait long lors de la première unité de prière, pour que les retardataires aient le temps de rattraper donc cette première unité de prière, qu'ils ne la ratent pas. ثم قال المؤلف رحمه الله عن جبير بن المطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. Et donc selon Jubair ibn Mut'im, qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réciter durant la prière du Maghrib At-Tur. وعن البراء بن عازب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. Selon البراء بن عازب, qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il était en voyage et qu'il a accompli la prière du Isha, il a récité dans une des deux unité de prière, il a récité Wattini wa Zaytoun. Et ensuite il dit Al-Bara, il dit je n'ai entendu personne avoir une meilleure voix ou une meilleure récitation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-allamatu Ahmed al-Najmi rahimahullah fi sharh hadha al-hadith. Warada fi al-qira'ati fi as-salati ahadith mukhtalifatu al-maqdar. وهي بمجموعها تدل على التوسعة في القراءة واستحباب التطويل في وقتي الظهر والفجر والتوسط في العصر والعشاء والتخفيف في المغرب وقد يخالف فيطول فيما العادة في التقصير ويقصر فيما العادة فيه التطويل انتهى. Et donc l'alamatu al-najmi, il nous dit donc, il a été rapporté concernant la récitation durant la prière plusieurs hadiths qui sont différents, qui divergent concernant la durée de la récitation, la longueur de la récitation. Mais tous ces hadiths, en les réunissant, on voit que ce qui est voulu par là, c'est que c'est un sujet qui est plutôt large. Un sujet qui est plutôt large et facilité, qu'on a le choix concernant le choix, concernant le choix du passage du Coran qu'on va réciter durant le Coran. Mais on voit aussi en cela le fait qu'il est recommandé de faire long durant la prière du Dhuhr et du Fajr. Mais qu'il est recommandé donc de prier, d'avoir une longueur médiane pour la prière du Asr et du Isha, et de faire court pour la prière du Maghrib. Et il se peut donc que l'imam, il modifie cela et qu'il fasse long durant une prière où il a l'habitude de faire court, ou qu'il fasse court durant une prière où il a l'habitude de faire long, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait de temps en temps. Fin de citation. Et certes, on a aussi vu, il y a plusieurs hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il changeait ses habitudes, comme le fait qu'il commence la prière et qu'il veuille faire long, mais qu'il entend l'enfant pleurer, alors à ce moment-là, il fait vite de finir la prière. Voilà par rapport à ce sujet-là, et on va finir le sous-chapitre, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. Waffaq Allahu al-Jami' lima yuhibbuhu wa yarda, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan.